بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه قال لما كان يوم الخير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلعته أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينعيانكم عن لهوم أمور أهليتي فإنه رجس متفق عليه. فإنها رجس متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحلته بنون لبنتكي على راحلته دعابها يسيل على كتيفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قلنا بن سنت يالله جلتي أنت عليه الصلاة والسلام من دمي دي لن زيارة ñan borom bi subhanahu wa ta'ala bo leni djegal ñi ngi wara delu ci inshallah ci hadith yi nga xamne mom la al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala indi ci bulughul maram min adillati al ahkam ci babu إزالة النجاسة وبيانها. وخامتنا حديث بن جك مام لا سن جاي جانغ لغي وي عنه رضي الله تعالى عنه انه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم حمر الاهليه فانها رجس متفق عليه. أكوان عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه. حديث نياري حديث يوي إن شاء الله تعالى مهم لن يجان نياري bala ñukoy jang nak comme dañu gëna jang hadith ndax ay circonstances yo xamantene motax légui dañuy tégalé tamit jotay yépp inshallah ba ñaari hadith ci jeex hadith lañuy def wala ba hadith ci jeex hadith lañuy def donc bala lolu mu am ay mbir yo xamantene war nañ ko fatali su ko defé ñu japp ko tak ko bayiko xel parce que dafa bokku ci li nga xamantene manam daanako mën ta ñak ñu fatali ko té moy da fay aju ci jotay yi ni amul lu upp doole lu nit di jang lu gëna mag gëna tedd gëna kawé ëpp ndariñ gëna sell wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam té alquran limi for comme li yaronte bi wax salatu lana ala innani utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu ci benen riwaya muné wa mithluhu aw akthar muné jox nañuma alquran jox ma lenen lu nurok lolu lo xamantene mom ak alquran ñu nuro wala bok ci benen riwaya muné wala bok lo xamantene moko gëna reë bari manam alquran comme li yenenbi sallalahu alayhi wasallam ay kaddom ay waxam comme ni nga xamantene non la ko alquran wax wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa dhikru yuha in huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yenenbi sallalahu alayhi wasallam alquran ne du wax ci banexu bakanam lepp lu mu wax rek wahyu la manam revelation la bo xamantene dañ ko ko révéler donc waxu alquran la waxu yenenbi bi la sallalahu alayhi wasallam bo xamantene dafa jaar jëm yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam sa mu jaar ci intermédiaire sayyidina jibril alayhi salatu wasalam mu nek waxu yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam directement en réalité waxu yalla la mais daf ko jaar le direct ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam motax ci buntu bobu nonu bo xolé hadith motax imam ahmad rahmatullah alayhi daf ne daf dañ wax nan as-sunnatu hakimatun ala al-quran wa laysa al-quran hakimatun ala wa laysa al-quran hakimun alayha sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy yor atti mu upp doole al-quran manam ci kaw parce que al-quran ci buntu al-quran nekul lo xamantene dafa nek kilifa yi sunna dede sunna moy kilifa yi al-quran lutax parce que ab al-quran bu ñewé comme ni nga xamné non la ko al-quran ci jëmu bopum waxé na won dim nan wa nazzal alayka dhikra litubayna lin-nasi ma nuzila ilayhim wa allahum yatadhakkarun wacce nañu tamit ci yow zikr manam gis nga limu tuddé alquran la tuddu zikr mais fi tamit zikr sunna mu tuddé ko zikr manam moy le rappel wala le rappel li fatel mune wacce nañ ci yow fatali gogou muy sunna ngir mu nek lo xamantene day tax nga leralal nit ñi yow sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam nga manal nga leralal nit ñi li nga xamantene moy alquran di ñu wacc ci ñom c'est à dire que bu ay alquran waxe dara ab hadith yantim sallalahu alayhi wasallam ñeu wax lo xamantene da fay nuru contraire bi hadith yantim sallalahu alayhi wasallam moy am doole ci kaw lutax parce que yantim sallalahu alayhi wasallam mom moy wara leral alquran mais alquran du mom moy leral sunna voilà donc ci buntu bobu lool mom motax mbolam xam xam xam xam hadith mo ci gën leneen lula way wax wala leneen lula way xirtal ci leneen lu bokku tak xam xam hadith yenté bi sallalahu alayhi wasallam en réalité xirtal lu ci xam xam bi gën ci xam xam ba paré mom mo xam xam bi nga xamantene dafa dajalé yenen xam xam yépp alquran xam nañ ni mu tollu bari wu reuy ci en volume naam lepp ngi ci biir ndax yenté bi sallalahu alayhi wasallam ci bopom alquran la non alquran condensé la mais sunna yenté bi sallalahu alayhi wasallam dafa bari hadith yu bari bari lañ ba paré façon yi dañu bari li nga xamantene mom la lambo dafa bari li nga xamne mom mo ci nek dafa bari lolu mom motax ñi nga xamne ñom ñoy xam alquran di ñom ñoo yitté wo hadith yenté bi sallalahu alayhi wasallam diko jang diko solo diko dox ko solo dox ko importance ñoñu ñom ñoy khulafa yenté bi sallalahu alayhi wasallam ñu mag ni ñom ñoy vrai khalifa yenté bi té lolu amna hadith bu nekk ci musnad bi yenté bi sallalahu alayhi wasallam hadith sirna ibn abbas radhiyallahu anhu min sunan al-bayhaqi rahmatullahi alayhi tamit yenté sallalahu allahumma arham khulafa yalla yeureumul sama khalifa yi ñu nako ñoy ñan man hum ya rasulullah sallalahu alayhi wasallam alladhina yuallimuna an-nas ahadisi moy ñi xamal nit ñi sama hadith donc lolu ñom ñoy vrai véritable ñu mag ñi hadithi sunti khalifa yenté bi sallalahu alayhi wasallam donc lo doonul ndongom nak do doon serignum wala lo doonul ndongom do doon serignum hadith melul du fala fala hadith non seulement c'est une science extrêmement pointue dafa xew dafa xoot dafa laaj yitte dafa laaj def ci ce full ak dafa laaj def ci sa jom dafa laaj def ci sa sacrifice voilà dafa laaj ay sacrifice yo xamantene yeneen xéetu xam xam yépp amul benn bu ko ci laaj parce que li nga xamantene mom mo ci nek ci yi nga wara mokal yi nga wara japp yi nga wara dajale xam ko li nga xamantene mom mo ci lambo ak li nga xamantene mom moy xolal fekk bi usul bi nga xam tamit li nga wara comprendre hadith yi ci même ci walu aqida nga bëgg ko bolé ak voilà tahriji parce que yoy dañu défé tahriji surtout tahriji bi kan mo solo wax di fan la joggé xalla lay ñan la ñu ci nek ndax wër nañ wala wëru ñu lool moy lu aju ci istilah bi mu na waqra comme na waqra kitaban tadri minul istilah ka hadhihi wa aslaha wa min salah o musyidu rahimahullah jangal tamit téré bo xamantene dina tax nga mëna xam istilah mustalah moy les terminologie ak syntaxe voilà ak ki surtout voilà moy nga xamantene mbir yi nga xamantene dafa laaj règle yi mum yi ko régir ni régir xam xam comme ne comme bi ni manam moy teeram alfiyam bi ak ciosanam moy haf bu alfiyat hafiz al-iraqi rahmahullah wa ibn salah moy muqaddamat al-imam abu amr ibn salah rahmahullah legi kon fo nga xam tamit lu wax langue yi nga xamantene manam terme yi alquran yi hadith di utiliser ak yi ci addu donc yoy yep dafa laaj rigueur dafa laaj ben renoncement dafa laaj ben détermination résolution dafa laaj am manam def yitté voilà laajul bayeko di noyal non laajul lool voilà laajul noyal laajul di woyxal laajul di doyadal laajul tay nga ñew suba do ñew laajul lool voilà laajul tamit gay tardé voilà non si dafa am solo biñuy tambali téré bi biñ koy tambalé dañ ko tambalé ak benn sokku manam voilà ño xamantene dañu voilà engagé wu def seen yitté né bëgg nañ ko jàng bëgg nañ ñu jàng hadith mëna ñu jàng hadith depuis bobu ñu ngi koy jàng aussi on fait notre mieux pour malgré que amna ay période yo xamantene pour des raisons x ou y jàngu ñu hadith ndax nangam wala nangam wala ndax circonstance adéquate ou wala yu mel non mais il faut que par exemple man duma déranger du tout ñeu manam am kenn kessé ko xamné mom lay jàngal bor hadith lolu amul problème pour man amul ben problème bude kenn kessé la ñu tok ñu jàng ko amul problème mais limay déranger par contre moy bu fekkante ne dañ ni mbolo lañu et que daara ji li moy dox après kenn ku ci nek jël sey manam jappé ko comme num la nexé heure bu la nexé nga ñew heure bu la nexé nga sieste heure bu la nexé nga nan ataya heure bu la nexé nga dem ni day dama ji séti ñom diw hein wala dama séti ñom da heure bu la nexé nga wut sa yenen xéti nga wut sa yenen xéti programme wa buñu tambalé tamit ñu bokk na ci il faut mettre ki quoi téléphone yi mu nek lu tuddu silencieux wala mode avion silencieux wala mode avion voilà ndax di lañ ko gis inshallah ci benen buntu bi di ñu ci buñu yex sé ci walu ñap inshallah manam soc moy assiwako yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ci wax ay vertu yu reuy yu beuri ay ngeenel yu mag mais fi nga xamantene sot fofu mom dañ ko fay téré moy ci jotay xom xom pourquoi parce que bo nekké du sot sax nono do meuna concentré wu totalement ci li ñi jang voilà donc waxuma la du principe wu ci ene lo xamantene amu vertu yoyu kepp ko xamantene day jang hadith dafa wara ak xam xam bu meuna don dako wara jox geud ndax dafa wara comprendre que mom yalla moko tan yalla moko tan ba mettre ko circonstance yi nga xamantene ci lay sa ko xam xam kon warul mel comme ñeneen ñi ci dess manam warul jappé bopom comme ñeneen ñi ci dess nga xamne dañuy nek manam ñeneen ñi nek ci mbedd mi dafa wara jappé bopom comme état ko xamantene comprendre na xewul giko yalla defal et que mu jox ko yitté yalla nak bu lo defal xewul boko santé moy téy nga xewul gi tak nga ko mais su fekente ne da nga djel xewul gogou nga doyalal ko nga woyfal ko nga nenal ko day dem bokku yalla nako djelat te su ko djelaté dot lako joxat voilà su ko djelaté dot lako joxat donc ñe lolou benen presse benn mbir la mo xamantene war nañ ko bayyi xel donc président conseil constitutionnel da ngay waxtaan ak sa ki ñi ngay yëlef comme yu ngay conseil constitutionnel ñi waxtaan ak ñi ngay yëlef communication da ngay communiquer ak ñi ngay wara communiquer sa ñu tuddu sa bon am ñu la wax né ngay communiquer ak ñoon sa public wa voilà hawa secrétaire à la communication non voilà charge de la communication voilà donc il faut que ngeen jël ki bo ngeen relayer ko message bi ngeen relayer ko parce que c'est important mu wadja nek lo xamantene parce que suñu bayé non rek ki lay don fawda lay don manam fawda moy anarchie manam amul ben règle kumu neex dal nula neex nga ñëwé bu la neex non neex ngay togué su la neexé nga tok perturber bu la neexé nga non règle yoy lool dafa wara téggé té señ ndouga amna ben waxtaan bi mu def ci teju burdu bi ci tegginu hadith ak rigueur bi mu xamantene mom la laaj ak solo bi nga xamantene mom la am ak nga gis ni ñu ñëk ni nga xamantene non lañ ko fonké won nga gis ni bokul manam nga gis manam ñun ni ñu nekké deug xéetu xaru la manam c'est une forme de suicide voilà donc il faut ñu jox ko yitté té li ngay sakku lu mëna doon surtout li aju ci walu gi bul japp né dang ko yéx def wala yu mel non dédét à chaque fois que yéggugo wala jotogulo li ngay wut rek c'est parce que joxogulo ko tégg ni mu laaj bis boko joxé tégg ni mu laaj mu womat yalla womat ko bamu ñew ci yow voilà amma nak li nga xamne mom moy aju ci teggu sakku xam xam ci keg yoy lolou yag nañ ci wax nañ ci waxat ci mais dal ala kulli hal mi ci upp solo moy geud gi nga xamantene mom lañ ko wara jox fonk giñ ko wara jox ba nga xamantene dañ ko wara jox importance magal ko yekiti ko ndax kep ku yekiti xam xam bi surtout hadith yantabi sallallahu alayhi wasallam ngi yekiti mais kep ku ko doyal tamit yantabi sallallahu alayhi wasallam nga doyal parce que buñuy wax waxam en fait mom moy wax buñuy wax waxam bu nek en réalité mom moy wax yentibi sallallahu alayhi wasallam et que waxam joju manam leeru waxam bi lolo tax xol ko mel cheikh abdallah zaba radiyallahu anhu lolo tax bu nit waxe wax yentibi sallalahu alayhi wasallam mu xamé bu rafété wax jo xamné yentibi moko waxam xam da koy xamé ndax lan ndax leer gi jëmmé ci jëminum di yek ci kaw asaman ci ak doole gi mi andal lutax c'est parce que waxu yentibi bobu la sallalahu alayhi wasallam manam yentibi ci bopam moko wax sallalahu alayhi wasallam lol sax imam shafi radiyallahu anhu don wax nan suma gisee borom fam manam ni jang hadith dafa melni sahaba yentibi sallalahu alayhi wasallam la jakarlo ndax ñuy netal li nga xamantene mom la yentibi do wax sallalahu alayhi wasallam di netal li nga xamantene mom la doxal te nit ki suy jang hadith diko yittiwo day dem ba nga xamantene day mel comme exactement comme ku doon dund ak yentibi sallalahu alayhi wasallam fofu la importance jang hadith uppe doole yenen xam xam yep nak yenen xam xam yep am nañ solo ci côté mais hadith fofu la len triompher ci anam go xamantene benen xam xam dabuko ci moy lan moy hadith nit ki koy jang da fay dem ba nga xamantene day xam tellement yenen bi sallalahu alayhi wasallam ak niko won da fer sorti ko c'est comme si mom kenn la ci sen bir day dem ba melni mom ben membre la ci sen bir communauté bobu da tel sorte que affaire yi du yag dara ci mom da nan voilà ndaysan bi sayyidna anas ndaysan radiyallahu anhu don and ak ki yantibi sallallahu alayhi wasallam nangam sayyidna abu talha bi fona lanu et cetera li mo xewon nangam comme niñ ko gis manam da tel sorte que mom c'est comme si mise en scène bi muy def manam mom dafa melni ko dundu ci bir et au fur et à mesure ngay xam yantibi sallallahu alayhi wasallam nim dan wax nim dan doxal nim dan def nim dan manam leppum leppum day dal da ngay dal muje nek da ngay dal man da ah en fait de compte fotol da ngay melni ku koy gis parce que à chaque fois da ngay fatlikou day yeen manam mouvement bo wara def wala lo wara nek yaangi fatlikou ben wax bu yentou bi sallalahu alayhi wasallam waxon wala def djof du muje fon ci mbir mom manam c'est comme si yow tout temps du den ci sey beut mom tout temps yene ngi nek ensemble voilà donc lolou fokk ñu jox ko importance fokk ñu jox ko geud han mu baña nek lo xamantene dañ koy ki bon am yi ñu fi wax yépp du lu bess wax nañ ko waxat ko waxat ko insister nañ ci et cetera mais dafa am mais nak il faut que ñu prendre en compte ampleur bi ak importance bi bañ ko doyalal bañ ko woyefal da ngay gis subhanallah comme ñom imam al-hakim rahmatullah alayhi ñom li ndar wax ni ñom dañ tan def buñ dan deg benn jotay xam xam dañ tan ñu mune leg leg danaka journée bi yépp duñ nek dara parce que buñ déggé ni amna bénn jotay bu nek fé man la sëriñ diiw samp na jotay rek dañuy daw buñu dawé tok ëca commencé muy wax hadith ñuy bind di tak di mokal di ki après buñ déwé tok néna buñ dogé ba déngé ñu nara tak lék gi rek néna ñu duy gaat né kenen ma ngay tambal rek ñu baxal dem man gis ñu ñom ñu lañ ko jaralé won ak motax tamit ak fiñu ci yegg bo xolé ñi nga xam tane ñom lañu tuddu ñom ñep ñom imam al-bukhari rahmatullah alayh ñom xol imam man rahmatullah dem na comme li tartibul madarik bi imam al-qadi ayyad rahmatullah wax mu ne imam malik radiyallahu anhu dem na ba jay teegu neegum pour jënd ay téré moy plafond voilà nga xamantene da nga neeg dafa jaay lu ne lu materiel yim yor yep jaay nako pour mo na am ay téré pour bu amatul lu mu jaay téegu neeg bi la jaay lu plafond mom la téegi dem jaay ko ak té te medina la doppon te medina non seulement goud beccig gi day tang jeurt mais goudi gi day sedd guuy même mom jaram nako ko mais tay imam malik anam imam malik tay buñu wax imam malik tay radiyallahu anhu voilà mom lañu jox exemple hein gisé exemple yi señ ndugo don wax ci gamu bi ci teju burdu bi al qadi ya don netri bo xolé yoyu imam malik la bax tegg ni nga xamantene mom la joxone xam xam bi mom la joxone surtout waxu yentibi bi sallalahu alayhi wasallam bu fekente ne munuñu jox geud yi waxu yentibi bi sallalahu alayhi wasallam haqiqatan ban wax lañuy jox geud ban wax lañuy jox importance buñu mënul jox geud jotay bo xamantene yeenti bi sallallahu alayhi wasallam nañ ko manam en fait c'est qu'il faut que ñu am état d'esprit bo il faut que ñu am état d'esprit bo parce que lolu état d'esprit bo mo manqué ñu bare té mom la imam malik rahmoullah don souligner bi nga xamantene mom lay manam mom la bëggoon woné diko léral bi nga xamantene mom la don sax detaay hadith bi nga xamantene da ngay gis dafa am ben chaise bo xamné tout temps mom la tek chaise bobu sa yuy wax hadith la ci tok lu ci tok benen jamana su demé ba wara jangale hadith ci chaise bobu lay tok ndax lan sino yenen moment yeb day tok ci souf comme ñeneen ñi ci dess ñom jour mu wara jangale hadith na wala mu tok ci yeek ci kaw chaise bi tok lutax ndax bi pa du mom moy wax yenen tim moy wax sallallahu alayhi wasallam état d'esprit bobu il faut ñu incarner ñu comprendre ñu am ko ñu xam ko parce que lool suñ ko amul dañuy doyal lepp lo xamantene lu aju ci buntu bobu la dañ koy doyal kon pour résumer voilà donc lolu mbir la yo xamantene il faut que ñu japp ko ñu partager ko hein ñu xam ko hein ñu téy ko jox importance li nga xamantene mom moy wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam geud gi hadith bi ba paré ñu hein am ben affaire bo xamantene lu mata baye xel la aussi dama koy souligner parce que da fay jouer ci influence état d'esprit wu ñu bari ça dit que bu ñu ñëwé ni dañuy ñu né ñun bon dafa am lu ñu wax daaira manam daaral donc dafa am ay règles yu muy doxé wa mo am ay règlement intérieur amna ay statut yoy après yenen affaire la mais mo am règlement intérieur parce que règles yoy dañ ko teunk dañ ko def tamit pour mu depo ak daara munu ñu manam dem ba faté yoy yep complètement wa dox importance hein dox importance événementiel voilà parce que lolu c'est une forme d'hypocrisie et le mot bi reuy la c'est une forme d'hypocrisie mot bi reuy moy lan moy voilà def événement bi reuy gaay en réalité alors que l'événement ne reflète pas reflète réellement la réalité de l'organisation voilà c'est à dire que bu événement bi dalé kenn ku ci nek secteur ngi teud wala kenn ku ci nek lula neex ngay doxale amul ay teggine amul ay façon doxale amul dara nan organisation bi rodé na rek mu jeex maintenant on est bien rodé tawarkala tout va bien gaay ñun dé ma sha Allah gis nga légui non lool xétu nak sa bop la al ghurur té moy tindiku woro lool moy woro illusion lool il faut que ñu moy tindiku ko cheytaane nak bu la bëggé dugg fu né mën na la duggé fu bari mais point bi nga xamantene mom la am té muy bi gëna reuy bi nga xamantene mom ci lay gañé ñëpp moy woro moy illusion parce que da fay duggal ci ay domaine bo xamantene ñu bari duñ ko mëna nand en fait da lay duggal fo xamna illusion moy lool moy lo xamni da nga fokk ni ni la fekk du nonu wala bok lo xamantene nona la nga fokk ne yow du nona lool moy woro sheitan nak dafa bari lu muy dugg nit ñi ci buntu bob wala dugg wala legi tabarakallah affaire yi safa nangam que affaire bi tam muju nek comme genre social voilà gaaya ngi demalante gaaya ngi dikkelante hein voilà deug nga buma amé ben événement invité gaay yépp ñew téw amna ben affaire bo xamantene xawmo ba xam baayi nañ ko xel wala dit en fait damay def ki pour parce que c'est important hein monsieur le communicateur hein monsieur le conseil constitutionnel voilà dafa am solo gis nga biñu def bourbi ñun ñep bima gisé jigen ñi ñew ma ngi sax am kuma ci togn nan ko yow day xamna li la indi bon mom pour mom affaire mbaye ni lay wax ñom loolu lañu japp han asse ñu ñom loolu lañu japp que ni fofu la wax joy fofu la xamna li la indi mu re man ko xamna am li nga fokk ak lenen ñaari bir la li nga fokk moy yofi mbayeni ak lenen li mom moy la moy diw xew lena damay dem en fait bourdou bi c'est important def yep ci yene la djou te nit ki du am luddul limu yene lolou la yenen ci bi wax sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likul imra'in ma nawa war nañu nak wessu fuñu nekké ci ay affaireu folklore ay xumbu la ay neex la ay tag nga fi daan nga ay manam groupe manam façon fa lool dañ ko wara dépasser on est ensemble depuis des années amna vraiment yenn affaire yo xamantene war nañu nak yar suñu bop ci dépasser voilà ñu ñuy def té yalla tax parce que nit suñul def té yalla tax hein parce que da ngay gis ko xamantene mom da na no burdu da ngay gis ñom ñep ñew nañ burdu fi gisoo lu lo ñu parce que demalenté rek la burdu bi taxul ñu ñew du burdu bi en question mo leen taxé ñu demalenté bi mo leen taxé ñu monsieur le communicateur c'est important li ma wax ni et que en fait c'est pas du critique par rapport à ñom non du critique c'est juste que pour nous remarquer que ni en fait buñu topé mu xétu yoyu non c'est-à-dire que sacrifice bimu la jaral chaque goudi gis nga ni mu compliqué chaque goudi pendant 10 jours chaque goudi nga déplacer wu dem fena hein avec sa soxla yi suba beccëg yépp mu jaral la nga mëna jox dem alors que mën nga tok 6 mois 1 an kenn doula gis daay rek c'est parce que vraiment yalla taxu la djou ça va et que buñu yalla taxatu la djou non sincèrement mom mën nañu ko tass parce que en fait amul utilité lepp lo xamne yalla daf ci genn comme li yenté bi wax sallallahu alayhi wasallam asdaqu kalimati ka qalaha sha'ir qawl labib ala kulli shay'in ma khala Allah batin hadith bu nek la sahih imam bukhari rahmalahu mu nek yenté bi sallallahu alayhi wasallam ne kaddu gi gëna deug ci kaddu yi nga xamantene way kat wax nako moy lepp lo xamantene yalla daf ca men daf ca jog genn da ca genn lol ak men la chaahan la c'est nul caduc voilà caduc nul et non avenu mais annulé voilà il faut que nous baye xel lool man ñu voilà leg leg tamit ñu gis ko nga gis ñoo xamantene say hadara da ngay gis hadara ay année mu so leen gis hadara mais sous prétexte que diw invité nous nit ñi hadara nga gis ñu ñew bu nekku ñu du juger des individualités dedet juger une individualité mais c'est collectif c'est-à-dire que ñun suñu état d'esprit il faut que ñu changer ko il faut que ñu évoluer il faut que ñu xamné nekku ñu ci jotay ci ki yo xamné ci mbolo mo xamné mbolo taxuran la wala xetu ay moy ñooñu nga xam ci aduna mo leen taxaju dedet parce que buñ né voilà manam il faut que ñu am état d'esprit bon il faut que ñu commencer dépasser vraiment tout yoy yep il faut ñu dépasser mais ñu dépasser ko totalement té ñu xamné manam ñu djublu ci li nga xamantena mom moy borom subhanahu wa ta'ala il faut ñu djublu ci yalla yalla ay kessé bu raxul dara faut ñu djublu ci yalla ay kessé bu raxul dara voilà yalla ay kessé bu raxul dara voilà parce que yalla limi lool la bañ lu mu gëna bañ moy nga bokkala yalla lool moy li nga xamne mom da ko bañ totalement dafa bañ kuko bokalé ak dara manam moy nga associer ko ak dara dafa bëgg boy def dara mom kessé bu tax inna allah la yaqbalu illa tayyiban wa mabtuhi bihi wajh leent bi wax sa sama yalla du nangul luddul lu bax rek lu sel lu bax ba paré mom rek mu tax ñu def ko bu leneen taxé nga def ko mom bu gëtul ana aghna shuraka an shirk lolo ma gëna doyru ci bokal ak ci li ni bokal manam moy bu fekkante na amna leneen lo may associer boole rek man bana yalla nangul nga na nga boole ko manam nga ne ko wa yaw bi wuyé na bok mbir mi bon am nga parti certes bon laissons ce qui est à Dieu ce qui est César à César yalla nangul lool yalla nangul lool dafa bëgg lepp mu nek ngir mom voilà mukhlisina lahu din khulafa mom lool la bëgg kon voilà c'est à dire que il faut que kon ñu am état d'esprit bobu ñu xamné ay tiaxan manam li ñu nek ni mo dafa gëna jafé dafa gëna kawé dafa gëna cher dafa gëna yikitiku leneen yeneen yi ci dess yépp amul luñ ko mën comparer et que cette forme folklorique là de d'association etc cette forme folklorique bobu nonu ñu tam il faut que ñu xamné ñun waru ñu adopter lool manam mënu ñu def mariro do mënu ko on waru ñu def lool voilà il faut que et que maintenant dans le long terme inshallah yalla bax même dans le moyen terme voilà après résultat dina ñew maintenant il faut pas se dire que voyez la daïra a réussi telle chose daf na li daf na le maintenant alhamdoulillah bo xolé fi mu joggé nangam non il faut pas qu'on se dise lu mel non lutax parce que yoy deug la il faut pas hein voilà deug la et d'ailleurs par voilà voilà président yi fi jaar ñom señ Babacar Ndiaye ñom président Dramé hein ba ci président Ndiaye ñom ñep kenn ku ci nek ak sa groupe bi nga andalon def nga affaire pour affaire évoluer alhamdoulillah mais waruñu yam fofu manam waruñu yam rek ci lolu kessé il faut que ñu redéfinira parce que dañ koy da fay c'est-à-dire que à un moment donné da nga am impression que ni en fait daïra bi légui dafa am manam deux vitesses wala trois manam dafa voilà dafa am un groupe restreint bo xamné ñom dañuy ñalli bu baax ci karam mu am ñeneen yi nga xamé té ñom bo sen daw da fay xawa trop quoi et deux qui sont derrière xamuñu sax la xew ci lu gey jirir voilà et que lolu non il faut pas que ñu am ci bob il faut qu'on s'engage que ñun ñep ñu engagé wu et que dans le bon sens voilà buñu def benen objectif dara voilà que ñu nekk ci luñu nekk mais aussi lolu nak dafa laaj implication voilà dafa laaj implication té implication yi benn mo benn ëpp ci doole ñuy téw faut qu'on soit présent mais mënoo tek rek di nekk feugël comme li alcorane wax hein comme ni yasaluna an ambaikum nonu wa baaduna fil arab yasaluna an ambaikum gaay nga xamantene ñom d'ailleurs loolu lañ do manam bu xex joté ñom dañuy tok di mëbi no am nekk ci all ba nga xamantene dara rek wa ara gaay mba ñi ngi gagne seen xex yi manam hein voilà bu ko defé non dedet waruñu mel non waruñu mel non da ngay wara japp ci affaire impliqué wu té moy voilà té lolou nak il faut que ñu def ko parce que ben affaire tamit amna té lolou ñun waruñu ko perdre de vue hein il faut que ñu bañ ko perdre de vue c'est extrêmement important limay wax ni c'est extrêmement important ñun suñ ko deful kenn du ko def lolou limay wax ni ñun ici Lyon c'est le centre de l'hexagone de la France moy centre bi non seulement moy centre bi géographiquement mais aussi mom moy centre bi ci activité yi aussi suñ ko deful ñun pour dox ñi dess gis mënu copier image bobu keneen bu ko def parce que yeneen yeb sel model c'est plutôt model folklorique bobu voilà ñi gor gor lu temps soit ko mais pour la plupart du temps c'est folklorique et que il faut que voilà il faut que nous té c'est le moment bi le affaire bi légui li la légui na mo seul communicateur voilà parce que damay bañ point yoyu voilà donc c'est le moment bi nga xamantene ñun war nañu goor goor lu ci buntu bob war nañu dajalo wat té kenn ku ci nek japp ci téé ci moy ci voilà li wara daw tay muy ci diiné bi muy ci tariqa bi il faut que ñun ñu téé ko ñu moy ko pour mëne ko voilà pour mu dox dans le cas contraire ni fi xewon mo fi xewata moy continuer di am voilà et que ce moment bi c'est le moment propice voilà kenn ku ci nek melna bu kenn wala voilà nit ni meun nañ xamné am nañ gante lolou day am nit ku ne day am gante day am moment yo xamné do wax na la né lolou amna mais nak ce qu'on peut pas comprendre moy nga par exemple voilà par exemple nga nek ci bureau bi monsieur le communicateur nga nek ci bureau bi pendant 1 mois wala 2 mois yo xamne dana kenn dou lu gis voilà amna ko mako ci do toñu ne len yeen dal bon ben famille hein ne len yeen dal luma gis dal moy ne chaque dimanche da ngeen di xex ñan ngeen di xex bo len ko amul ngeen xex ñan ngeen di inviter so len ko amul ngeen ni nañ teud noppolu bu fekente na nak top ci keur gi dafa xaw wet ci yeen ngeen ni nañ dem daayira affaire bi nak warul deme non warul deme non dafa wara bok ci vie bi manam ci la vie manam dafa wara bok ci la vie hebdomadaire c'est à dire que voilà dimanche daayira voilà buma kenn invité té man duma invité kenn kuma invité ma samedi voilà wala dimanche matin à la rigueur voilà parce que lutax parce que kenn ku ci nek ci ñun relé la ku nek ci ñun relé la voilà c'est à dire que témoin bi day yex ci yow nga jël ko nga relé ko ñeneen ñi lol la kenn ku ci nek ñun reul la donc il faut que ñu comprendre lol et que mëno dajalé xam xam xolal imam muslim rahmahullah dafa bind sahih bi ci tayammum buntu tayammum tim mu dajalé ci hadith mu am solo yu nga xam tane dafa xawok dafa nakareu parce que dafa dajale hadith wa medina wa makkah wa sham wa iraq moy kufa ak basara mu dajale hadith yi après ci ginnaw mu jexale juste mu ne jexale ko waxu yahya ibn abi kathir rahmalahu mu ne al ilm la yunalu ma rahatul jasad xam xam def ko am ak yaram wu sedd d'ailleurs borom xam yu bari rahmatullahi alayhi dañuy poser wu question pourquoi imam muslim rahmalahu mu wax hadith li nga xamne amul ben rapport ak tim mais buñ ko xolé question bobu likoy donc moy imam muslim rahmalahu dafa wone ne hadith yi ma dajale and ak difficulté bi mu am pour ñu mëne ko am ak fiñu wër yépp ci aduna bi parce que dafa tukki parce que lool bu dé hadith wa makkah wa medina wa sham wa basra wa kufa wa manam nga gis ñu bari moy wurna danaka wurna fi xam xam am fi ci aduna bi manam surtout période bobu ñu wuté hadith nga xamné dajalé na biri de manière bi nga xamantene ci le gëna wiri ci xam xam ma dajalé la ak wa misra aussi wala ak wa ñu mu dajalé ñu mu expliquer né manam wax joju mu indi ko pour wax né manam bo gisé ma mëna dajalé li tay ba mën ko tek seen kanam yeen ngeen man ko jariño moy amé wu mako ak yar mu sedd ah oui hein dafa laj sacrifice voilà sacrifice voilà donc sacrifice bobu nak il faut que manam parce que lutax parce que kenn ku ci nek rele nga kenn ku ci nek rele nga bo buñ bëggé nak di xam parce que xam nga tay bu fekkante ne da ngay manam une fois sur deux ngay ñew wala une fois sur quatre ba paré nga bëgg tak nga bëgg japp bëgg xam lu fi ne du mëna ne ce qui veut dire que à chaque fois da nga en fait à chaque fois da ngay perdre quoi da ngay perdre réseau à chaque fois rien perdre réseau parce que affaire yi japp du xamato lan lañuy wax parce que liñu waron wax bi passé ne ko fiwul ba paré deglu wato donc do xam lu xew donc il faut que ñu le fité ci côté bobu voilà bu mané nak kenn ku ci nek relé nga c'est à dire que relé dang koy nekké même boudé ci fi gëna djégé moy sa famille même boudé fi gëna djégé même boudé voilà après voilà selon fi état bi wu manam selon état bi wu li nga mëna transmettre voilà mais relé kenn ku ci nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne li yabluha shahid minkum al-ghaib kepp ku fekke ci yeen la jotali ki fekke wu ki fekke le présent la jotali ki absent aspect mom il faut que ñu koy retenir ñu xam ko voilà donc en gros lolu mom manam moy li nga xamne da naka mënu wona ñak ñu fatali ko wa bismillah wa no gëre jëf ko na waxul na sax ki mise au point mais c'est tellement important que je pense que bu fi message bi yame ni continue à faire li ngay dégg blam quoi waaw ñu bëgg wax moy il faut on peut dire blam il faut ñëpp yëpp ko waaw non la sax yame ni dañuy continuer di def la même chose xawma nak pour des raisons pratiques comment on fait ba ce même message quand même voilà ñëpp def ci mise au point bi ñëpp am ko waaw loolu tax moy wax monsieur le communicateur est ce qu'il pourra waaw est ce qu'il pourra Si, c'est une grosse tâche que tu fais. Oui, man wallah, je constate que voilà, surtout enregistré. Ah, ni comme ça parler par rapport à sa capacité orale que moi par rapport à son écrit très bien en français ça n'a pas la même chose ça n'a pas le même impact quand je suggérais nous de partir en Inch'Allah voilà yow ding ko def yow c'est Non. Alors, comme nous doublons sur le hadith, voilà, parce que voilà, tu m'as dit que mais voilà, c'est bon. Voilà, donc, les gens sur le hadith, Inch'Allah, comme nous répétons, mon moi, وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال كن حديث من جكبي ونوعنه جلل انت مومي سيد كن داي ديلو وات سيدنا انس رضي الله عنه ناخ دنجو سيتي وون رضي الله غرم الله بر الله عنه جوم انه قال انا دافو واخني لما كان باغا لما باغا خني كان نيكون نا يوم خيبر بيسو خيبر ولا بوك خاري خيبر ها انا بن خاري دا يوني صلى الله عليه وسلم خاري وون inshallah dinañ ñew ci lan lay déroulement bi wala yu mel won ci résumé donc mu ne bis bobu bamu amé mu ne wa mu ne amara digël na rasulullah nawli alayhi sallallahu alayhi wasallam aba talha hmm radiyallahu anhu muy bay jitlem fa qala mu ne yaronte bi sallallahu sayyidina abu talha radiyallahu anhu ne inna allah ma fanada mu dadi wote mu wote dadi wax ci mbolo mi ne inna allah nakabur yalla wa rasuluhu ak yenen tambi sallallahu alaihi wasallam ndawam yanhayanikum ni ngelen di tere wala dan len tere len an luhumi ci yapu manam ndawalu al humur mbam al ahliyati yeey ku ju keur yi manam mbam sofi moy mbam yi ñu xam nga xam na ñoy nek ci bir keur yi ñu di len ligey lo di len wala mbam ñuna waw mu ne waw lu xew mu ne fa innaha ndax kat ndawal lola yap boba ñuna waw mu ne riñ sun sobe la muttafaqun alayhi hadith bi muttafaqun alayhi la manam imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ñu ne solo nañ بلاد عن عمرو بن خارجة جلنا سيدنا عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه انه قال لنا خطبنا خطبه نيو رسول الله نوري الله صلى الله عليه وسلم بمنن تمنا مانام منا ني ادي نيوم خام نانكو بونو مو جورو تبسكي فا لا ني نه منا دين wo wo fek mom ala rahilati gis nga moy khutba tabaski bob wo fek mom ala rahilati mi ngi ci kaw war wayam deng nga walu'abha lu'abha moy ay tuflitam han tok taxaw na gillem bi mu taxaw djel la ngalap bi han wel ngalap bi teye ko mi ci kaw mune walu abu ha fek tuflitu gellem bi yasilu magay wal gal ala katfi yati sama mbagge akhrajo solo na hadith bi ahmad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wa tirmizi ak al imam abu isa at tirmizi rahmatullah alayhi wa sahhahu bimu solo hadith ba pare dafa weral hadith kon ñaari hadith yi insha allah taala moy ñaari hadith yi nga xamantene mom lañu wara jang legi buñu xolé group manam li nga xamantene mom la manam mom filoko al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah taala indi ci moy babu izalati najasati wa bayanha manam buntu tokhal dimbi li nga xamantene mom moy sobe ak leral bi nga xamantene mom manam ak leral ko fimu bokke manam rapport bi nga xamantene mom la am ak buntu bi manam leer na bu jekk bi moy wax na ne mbam muy mbam seuf yakam sobe la manam keul dafa haram et que dafa haram da fay impliquer sobe gi bon lolou après dinañ ci ñew ci yaatal inshallah ci tekantal est ce que lepp lo xamantene dafa haram rek sobe la wala est ce que lepp wala contrairement amul wéranté manam lepp lo xamné sobé la da fay haram lo xamné mais est ce que lepp lu haram sobe na yoyu ak ak li ci aju ci ay question inshallah dina ci ñew hein on a vu ça avec le hadis non on a vu quoi qu'est-ce qui est interdit oui mais quand on l'avait vu j'avais dit que on va plus le développer quand on sera dans ce hadith là inchallah voilà et que c'est une question qui est voilà en fait l'argumentation quoi voilà ou plutôt l'argumentation approfondie inchallah voilà donc comme ah ça moi c'est mon ami sur deug kon fofu da ngay gis kon rapport bobu am benen bi ci dess mom moy da fay wax ni aussi xam nga bo xolé muy mbam bi muy fas bi muy gille manam moy ñooñu nga xamantene war way nga xamne dañ leen di wat nga xamantene dafa wal manam tuddu ci dafa wal dal ci mbagu han mbagu sayna amr ibn kharij radiyallahu anhu yeen ibn sallallahu alayhi wasallam di khutba le fait que mu wax ko mu préciser ko moy wone gis nako parce que suko gisul won wal han suko yeen ibn sallallahu alayhi wasallam gisul won précision bo masta du mata def du am solo du am ndari voilà han voilà et donc que kon yentib sallalahu alayhi wasallam kon manam fi ni dañ ci jangal daf ci xamle ne amna ndekete animaux yi ndax yi gemme ci ñom ci ay tuflit wala yenen est ce que sobe la est ce que par exemple tout simplement ci gatal ay du tuflit kesse ak ñak sen ñak hein sen ay ñandaxit Les sécrétions. Voilà, les sécrétions. Voilà, c'est les sécrétions. Est-ce que sécrétions, yo yo, aïe, lalay, sauver l'aïe, voilà, une sauver. Donc, bon, on est, question, ça tourne autour de l'eau. L'eau, on va vous dire, on va faire vous tagger les hadiths. Voilà, vous tagger les hadiths, yo, qui viennent vous. Donc, ce qui fait que. Voilà, quand bon le rapport déjà bim am feulé ak ki bi ak hadith bu ñëk bi inshallah dinañ wax rapport bim am ak hadith bi ko jitu mais ñaari hadith yi sen rapport bi ñu am ba xamantene mom motax kon ak buntu bi kon dafa leer manam dafa bëgg wone ni amna yo xamantene ci bir lu déme nek mbam du mbam kessé amna yenen yuñ du lek yoy ay sobe lañ yoy dinañ leen gis inshallah mais mu am tamit lo xamantene mom sobe la ci jëmmi bopam manam am lo xamantene tamit du sobe surtout ci nga xamantene ñom ño nek ci animaux yi manam kon bu boba fasl bi ni dañ ko tuddé hukmul bahaim wal barizat minha min al ma'i'at hukmul bahaim wal barizat minha min al ma'i'at manam mo lan moy hukmu atte bahaim moy bayima donc lepp yi nga xamne dafa aju ci bayima moy ab animal rek djurgi mo geuna yaatu an'am ndax an'am moy djur nga xamantene ñom moy ñi sam di len et cetera ñu dund alors que bahima moy lepp lo xamantene moy bayima la rek luñu manam lepp luñu dukk ci kaw suuf wala dabati su yebo ñu ne ko wala bok ñu dudde ko non wala hukmu dawa'ib wala bu la nexene bahaim bu la nexene dawa'ib moy dabati wala dabati wal barizat minha ak li nga xamantene moy ñom moy jemme ci ñom moy yiñi secreté li nga barizat yi secreté minha ci bayima yoy min al ma'i'ati ci nga xamantene dañu liquide ma'i'a moy lu noxe voilà donc ci kon ci suñu buntu bi inshallah buñu yexé ci mas'ala yu nek suñu hadith yi inshallah ci walu fiqh dinañu traiter de manière globale animaux yi yan ñoo ci sobe ak yan ñoo ci dul sobe yoy déjà dañ ko traiter dinañu traiter ci bir animaux yoyu lan mom moy li nga xamné ñoom bu génné ci ñoom loolu sobe la ak lan moy li nga xamantene bu génné ci ñoom loolu defu ko tuddé sobe waye yi nga xamné ñuy génné ci ñoom yi ñuy traiter mi ngi ñu koy yamalé ci li génné ci ñoom ci ay sécrétion kessé manam ko lepp li nga xamantene dafa aju ci sen ci génné ci ñoom manam ci walu wanak loolu duñ ko traiter loolu dinañ ko traiter ji inshallah ci benen buntu bi ñew ci ginnaw manam deux buntu après buntu bi manam même buntu bi lañ nek manam ci ba manam c'est à dire en gros ñaari hadith après suñu hadith bi te ñettelu hadith ba dañ traiter lool moy hadith sayyidina abu samh bi radiyallahu anhu moy voilà moy bi moy ñun ñi ngi ci 23e 24e donc 25 26 ci 27e hadith bi 26e Hein? 26e. Voilà. Non, 27e. Abou Sab. Non, 26e. Voilà, Inch'Allah. Quand le hadith 26e, Inch'Allah, tu as dit que tu as traité, ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Madame, voilà. Mais ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, Inch'Allah. moy seen acte waye ak li guenné ci ñoom ci lan ci lo xamantene day secreté wu ci ñoom mais mu nekk lo xamné dafa ndoxé inshallah voilà ci gattal kon yi ñi traité fi moy yi nga xamantene dañu lek seen yap ak yi nga xamné kenn du lek seen yap ci gattal buñ ko mëne teunk lool la yi ñi lek seen yap ak yi ñu lek seen yap ak li guenné ci ñoom lan mo ci sobe ak lu ci dul sobe deng mo tax ñu teddo ko kon hukmu atay al bahaim bayima yi wala bok ad dawaif wala ad dabat ha wal barizat minha ak li nga xamne moy gemme ci ñom di manam moy secreté wo ci ñom minal ma'ati ci nga xamantene dañu ndoxé ba wala kon inshallah dafa melni jul wala wa dess to wala dess la inshallah kon nu duggu kon ci hadith bu ñëk bi hadith bu ñëk bi kon mom moy hadithu kan sayyidna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa radahu an nabi khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy muné kon wa anhu jël nañ ci mom radiyallahu anhu anna wa qala na dafa wax né lamma kana ba nga xamné nek na yow manam lamma ba nga xamné kana ñew na nekkon na yowma khaybar manam xare khaybar amarna digël nañu rasulullah ndawal yalla li amara bok digël na rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla li abu talha radiyallahu anhu moy abu talha al-ansari radiyallahu anhu fanada mudadi wote ni anallaha nakabur yalla wa rasulahu wa nabiyyi sallallahu alayhi wasallam yarhiyanikum ñom ñi ngi len di téré an lu xawmi ci ndawaluk al humur mbam al ahliyati yi nga xamne ko du keri fa innaha ndax ñom day ricc sun sobe la hadith bi mu ne muttafaqun alayhi imam bukhari imam muslim la bok na ko solo naam Imam Al-Bukhari solo nako Imam Muslim solo nako mais ñeneen solo nañ ko ku meme Imam Ahmad rahmatullah alayhi solo nako Imam An-Nasa'i rahmatullah solo nako Imam At-Tahawi hein ci mushkilul athar mom tamit solo nako ak bo en fait parti bi ñu ngi ci lan ha wala ñi ngi ci takhrij wala takhrij moy damay def étude globale ci hadith bi xol ñan ñoko solo ak ñan ñoko solo wul ak ñan yor la ñewé ak lan mo ci wër ak lu ci wër wala légui ñom ñep nak dañ ko solo ci yoonu Mohamed ibn Sirin wala bok d'ailleurs non même avant ci Sufyan ibn Uyayna rahimahullah mu solo ko mom ci Ayyub moy Ayyub as-Sakhtiyani hein Ayyub ibn Abi Talhah as-Sakhtiyani ah rahimahullah mom mu solo ko mom la mom lañ doon wala mom le seigne bi do netti kérok ci bourdu bi mais Imam Malik bu mu ko ñëkke gis dafa ne da ko gis ne gis nako ñaar yoon ak da ko gis ñaar yoon ak mais nangul jeele ci mom ak Imam Ayyub as-Sakhtiyani rahmalahu ak ki mu doon ci wa Basra yi la bok wala motax hadith bi hadith wa Basra la hadith bi wa Basra ñoko solo parce que ñi ñep Basra lañ dëkk bam Sufyan ibn Uyayna mo dëkkul Basra mo makka la dëkk mais Sufyan ibn Uyayna c'est-à-dire que légui nañ ko tambalé ci Imam Bukhari Imam Muslim rahmatullah Imam al-Bukhari solo nako ci serigne buñu wax Abdullah ibn Muhammad ak serigne buñu wax Sadaqat ibn Fadl ki nga xamanteni moy Imam Muslim rahimahullah mom solo nako ci serigne buñu wax Ibn Abi Umar ñom ñett nak ñi ñom ñoko solo ci Sufyan ibn Uyayna rahimahullah Sufyan ibn Uyayna amna kuñ ko warul jawalel moy kan Sufyan ath-Thawri Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri jazakallahu khairan mukhaddam deng Sufyan ñom ñaar ñep ay ponkal lañ ñom ñaar ñep ay imam lañ ñom ñaar ñep ño bokk jamono ñom ñaar ñep ay kilifa lañ ay nitu yalla yu mag lañ borom ay kangam lañ ci fiqh ak hadith ak ci tasawuf aussi ñom ñaar ñep Sufyan ibn Uyayna ak Sufyan ath-Thawri motax buñu waxe Sufyan kesse nopi dañuy soxla ju xam kan la ci ñom ñaar parce que ño bokk jamono ño bokk li mais souvent dañ leen di xamewé ci seeni talibé wala ci seeni serigne parce que Sufyan ath-Thawri même boudé li ëpp ci ñi Sufyan ibn Uyayna jangal na leen manam ñu bari bokk nañ ay talibé mais Sufyan ath-Thawri mom Koufa la dëkk Sufyan ibn Uyayna Makka la dëkk Sufyan ath-Thawri mok Imam Abu Hanifa ño bokkon jamono nek ndo won Koufa wala hadala legui kon Sufyan ibn Uyayna rahimahullah mom ak mok Imam Malik tangala ño bokkon nekkon Hijaz moy la péninsule arabique su lolo tax Imam Ash-Shafi'i don wax na rahmatullah li ne budul won ñaar ñi moy Imam Malik ak Sufyan ibn Uyayna kon xam xam day toxu ci péninsule arabique bi complètement ñom ñaar ñuko soufé wala Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayhi Imam Malik mom la ibn Wahb tam don wax rahmatullah alayhi Abdullah ibn Wahb rahmatullah mu nek man amna lu tolo ñent jooni ci ay serign 4000 ha ñu mu solo wet ñom mu ne waye budul won non wala dem ni non solo na 400000 hadith ci ay serign yu wute wala su ay serigne wouté wala 400000 hadith ci ay serigne wouté mune mais sulul won Imam Malik ak Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayhi mune wala ak Lays ibn Sa'd tamit rahmatullah alayhi mune kon damay sank wala kon damay sank parce que ñoom rigueur biñ am ak xam xam bi nekkon ci ñoom ñoo daan leral lu bari bari sama compréhension bamay saisir ma baña sanku mo baña comprendre les textes yi mudou mom parce que lolou c'est un problème bu mak moy la compréhension des textes texte bi mi ngi fi oui mais la compréhension des textes ils sont contemporains qui et Imam Malik voilà ak Sufyan ath-Thawri mais aussi voilà les Sufyan ath-Thawri les Hammad aussi ñom ñu ni Hammad ibn Zayd Hammad ibn Salama Hammad ibn Usama ak Lays ibn Sa'd ak ñene rahmatullah alayhi manam ñu bari lañ ñu sont tous contemporains voilà donc buñu jullé inshallah ñu yeggalé le addu ci tétal li ak tahrij inshallah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كون نيغي يامون تي اسناد حديثي واخون نان امام البخاري اك امام مسلم رحمه الله عليهما صلو نان كو امام البخاري رحمه الله صلو نكو تي نياري سيرين نيغي تود كين كي نيغي تود صدقه بن فاضل كاجي داس موم نيغي تود عبد الله بن محمد imam muslim solo nako ci ibn abi umar ñom ñi ñet ñi ñep solo nañ ko ci sufyan ibn uyayna lañ ko solo rahmatullah alayhi ki bi tambali wat na tambali wat nan voilà Sufyan ibn Uyayna kon rahmatullah alayhi mom moko solo ci Ayyub As-Sakhthiyani rahmahullah rahmatullah ala al-jami' Ayyub As-Sakhthiyani rahmahullah kon mom manam bokuna tam ci nit ñi ci ñu gëna sel da ko na ci am yalla ci nit ñi der ak bëggum yentu bi sallallahu alayhi wasallam do fessor comme ni Imam Malik wa rahmahullah nga xamantene ñaan ñewna acc ñaar yoon Medina ci Makka ayuba sakhiyani rahmalahu ak limi mag nanguma jangi jele ci mom hadith nanguma jangi ci mom mais bima gisse dal say tuddé yentibi sallallahu alayhi wasallam mais da fay joy buma yeurum ko dal ma xamni ki safa voilà lolou da fay delu ci ci li sufyan ath-thawri waxon rahmatahu moy benen sufyan bi voilà rahmalahu munna inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum xam xam bi diine la donc ça dire que pratique yep ci li la aj xam xam bi def ci aj ci la aj donc xol len bu bax ana ci kan ngeen koy jël wala am ñun baña def comme ñun bon sama ma ñun la société wolof la société sénégalaise de manière générale wala nga xamné danaka xam xam bi mom manam aduñu ko ci wax ci deug wax ji manam ak kiko manam ki ñuy jox valeur ci xam xam bi du par rapport ak li nekk ci mom ci xam xam ak compétence bi mu andal dedet mais par rapport ak fiñ koy fétélé la ak fiñ koy soutier voilà mo xam géographiquement la mo xam familial ci famiyem la généalogiquement la mo xam ci groupe bi la manam ñu né ñom talibé ñom seen diiw la woon manam talibé seen diiw de dans cadre général manam tariqa sangam la bokk wala yoy wala statut social yoy ci lañ koy faral bi joxé geudu bu ñu bari dañ koy dañuy def erreur bobu malgré que parfois duñ ko tay manam parfois duñ ko tay du jugéwul ci intention bu bon mais souvent day jugé ci ñaka xam ak ñaka xamé ak ñaka ragné voilà kon ala kulli halim hein donc ala kulli halim kon lool mom moy li nga xamné manam mom Sufyan bu rahmatullah alayhi lool la waxon donc sayyidna ayu as-sakhthiyani rahmahullah kon ci imam wa basra yi la bokkon nek imam bu mak fofu ci jamono nek tamit nga xamantene li nga xamne mom la hamad wa rahmalahu de nga neena sofial neena ayyuba musumako deg mu jew kenn bam dess abdul karim comme non manam musu jew kenn rek la musu jew manam te ñom liñu wax jew la ñom liñu wax te jew bobu jew gu dagan la mo ne parce que dafa ni ndaysan innahu kana ghayru siqa neena abdul karim mom day du won siqa mom du won ko wor wala mune parce que dafa don wax ne dafa waxone ne mom musul degge ci ikrima dara musul jotay ak ikrima manam musul degge ci ikrima dara ben jour ma bet ko ci ben jotay muna hadathana ikrima netal nañu donc wala manam nga gis ne jew bobu dako waxon pour sauver sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam té lolou tamit benen attitude la bo xamantene bu am solo la manam xam xam lepp dafa laj rigueur en fait xam xam moy lo xamantene lajul ay complaisance amul ci en fait buñ xesse ba nek ci domaine xam xam rek amul complaisance yu metti yoy gaay def ragalante gannaaw yi non lolou amul ci voilà parce que bis bo duggé ci domaine ragalante gannaaw rek yaangi dugg ci toki doona bu mak bo xamantene xamulo fan lay téré je té lolou fim tool bo xolé suñu société bi lolou ben mal la ci té bok na ci mal yi li gëna ri bi nga xamantene limu yak jamono ji ni yalla rek xam num tool parce que dañuy gis ko xamantene da naka manam ben xol amul xam xam voilà dafa bari lumuy manam dafa jubadi diire ji da koy fowé ak yu mel non nga gis ñu diko tag manam le fait que ñu bari nak diko tag ci mbolo yi wala ci télé bi wala ci jotaay ci xéti ju manam jotaay diiné lool da fay waral ci nit ñi dañuy fowné koku ikone la ci diiné ji koku kilifa la ci diiné ji manam kilifa diiné la pa ci diiné parce que ci lañ ko xamé mais kilifa gu mag la nitu yalla gu mag la borom xam xam gu mag la alors que non lutax parce que tout simplement nit ñi dañuy par complaisance kenn ku ne da koy tag kenn ku ne day wax ci mom lu rafet kenn ku ne voilà par complaisance mais ay le yewel ko xamantene manam ni logique rek logique bu ndaw duma yag ci point bobu c'était juste pour dire que ni xam xam lepp dafa la rigueur complaisance waru ci am ci ben point leg ko xamantene ay le yewel ko xamantene ay la yewen buñu julli bi nga xamantene moy li gëna élémentaire ci diiné on na dis convient pas li gëna fondamental ci diiné d'ailleurs ñun suñu mbokk yi suñu mbokk wala bi dañuy farandi def buñuy wax naan diiw am ñu diiné lay sa ko am diiné djublu wuñ ci loolu la day julli manam ndax dafa djubale day ci yoy waxul ko manam dal dina djulle amna diine voilà legui mais yow ki manam lolu manam de manière xam nga bu fekente ne da fay négliger djulli mais que privé ci en privé la koy def lolu c'est moins grave voilà lolu c'est moins grave c'est grave hein c'est grave mais c'est moins grave parce que nit ñi duñ ko ci roy nit ñi duñ gis voilà et cetera mais ko xamantene señ bi tisbar day rom takusan day dem mu leerani takusan dem na ba rom timis dug wala timis mun mais julli wu señ bi télé bi filmé ko nit ñi mborom yépp tok sétan ko mais ko bu mako tagal way manam nga ñew di mako tagal koku en fait ben xétu yop mala manam c'est comme si dang ma jappé comme ben nit bo xamantene dañ koy wax rek mu nan escape mais c'est vrai c'est une forme de en fait de yabafé en fait voilà muno kokou voilà muno kokou munu ñuko tagge ci kokou c'est bon amul dara luñ koy tagge amul dara luñ ko mëna tagge waxuma la nak yeneen yo xam tane parfois man na koy def ci mbolo mi ñepp diko gis wala ala kulli hal manam liñ ci djublu won moy xam xam buñ xesse ba dugg ci domaine bi amul lan amul ragalanta gannaaw lool mom motax yahya ibn ma'in rahimahullah non ko yahya ibn ma'in xamal ko imam bob ha imam bob xam ngeen yahya ibn ma'in rahimahullah mom ak imam ahmad amr ibn sallam ha ali ibn al madini ñom manam ñom ñent ñi te nga yahya ibn ma'in ahmad ibn hanbal amr ibn sallam ak kan ha ali ibn al madini rahmatullah alayhi sen jamono ñoo nekkon imam yi ken ñoo ci hadith ci xam xam hadith ak liko wul ñom ñoo nekkon imam yi voilà serigne la ñoo serigne ñom bukhari ñom muslim ñom ki etc la ser sen serigne la dañ ni ko yow ñi nga jëw ñep bisbula bis bo deme yowmal qiyamati di nga am problème parce que ñi nga jëw ñep manam di nga am ak ñom problème manam jëw bobu limi tek moy comme biñu wax sank manam diw ndax mën nañu nango xam ndax xam xamam doyna mu ne dede koku limi wax du deug wala koku wor du nit wor ko et cetera ñu ne ko mais mu ne mais mu wax ju am solo mu ne ñu ñep ñu dajale len ñu nek sama xulo wala yowmal qiyamati ci kanamu yalla moma gënal ñu balem ñom ñep indil ma yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu nek sama xulo wala yowmal qiyamati parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñi buma len waxul buma waxul won ci ñom lima wax ci ñom yenente bi sallallahu alayhi wasallam yowmal qiyamati moy taxaw neema lan mo taxone bi nga mene défendre sama wax sama sunna défendre loko voilà té bu yenté mo c'est sûr que dokay perte ah oui voilà mo né ñoom ñep ñu indil ma len yow ma xaan moma gënal ñu indil ma yenté sallallahu alayhi wasallam lolu manam il faut ñu am esprit état d'esprit bobu voilà complaisance bi mo day am fu muy yam en fait kon ayyub as-sikhtiyani rahimahullah mom mi ngi solo hadith bi ci kan ci muhammad ibnu sirin wa muhammad ibnu sirin tabi'i bu mag bobu rahimahullah di borom xam xam bu maga mak di nitu yalla bu kawé aussi ci bok fi siddiqi ray radiyallahu anhu nek ko xamantene reference bu mak la ci xam xam hadith yi ci xam xam fiqh ci ci tasawuf han nek ko xamantene kuñu xam lañu kuñu xam la ci walu surtout ay pirguet tamit ku ci siwla mais nak téré bobu non nga xamantene mom lañ ko askanale téré bobu bindu ko téré bobu ñu askanale ci walu pirguet gi mom bindu ko téré bobu dañ ko ko sossal voilà ak benen bi ci dess bok na moy nahjul balagha gis nañu bare moy naka lañ ko wax ci français xawma lan des des éloquence xawma la voix des éloquence de l'éloquence xawma de l'éloquence am na ñu ko waxe bu sayyidna abid ñu wax ha naka lañ ko wax non la voilà da ngay gis ñu bare fonku ko lol ay sayyidna amin waxul wax yi ci nek waxu dañ ko ko sosam radiyallahu anhu yo tamit téré le bo xamanténe de fonta comme dañ ko sos ak tamit téré tafsir ibn abbas on déran tafsir bobu ngay gis nga tafsir ibn abbas téré bobu tamit bindu ko hein voilà téré bobu tamit hein ay waxu ibn abbas neeku ci voilà on déran manam dañ ko ko sosal ndax ibn abbas limu solo ci ay ci comme l'imam Shafi wax radiyallahu anhu ibn abbas liñu ko xamal ci hadith yeb ma ci tafsir yeb temu wer eppul 100 wax temir kon mo fi tok nan mo bindu téré dum nan ibn abbas ko bindu mo wala ba ay waxam lañ nangam té parfois bon rien que ci Allah lay rek da ngay gis ni wax ji waxu du waxam ala kulli hal liñ ci djublu won moy wala moy leralale buntu bop imam muhammad ibn sirin kon mom mo solo manam ci mom lako ayyub as-sakhtiyani jeli kon sufyan ibn uyayna an ayyub mo jek ayyub ibn abi tamamat as-sakhtiyani imam ayyub rahmatullah alayhi mom jele ko ci kan muhammad ibn sirin radiyallahu ta'ala mom moko jele ci anas ibn malik radiyallahu anhu wala anas ibn malik radiyallahu anhu mom mo wax ji legi nak wax yi nga xamantene nimu ñewé ci contexte hadith bi moy biñ ñëwé dañ ñëw ci Khaybar inshallah dinañu gëna développer ci point bobu hein challa la wax voilà no taxrib bi jéxul dess na voilà kon ñu ñëw ñu waxat ci ñu continuer wax ci taxrib bi voilà hadith bu melni hadith bi bu melni bi ni ni ni ak sens yorale sens ay sahaba yu bar radiyallahu anhum solo nañ ko waye wax yi hadith yi subhanahu rabbi lu rar ñi ngi ci ñaar sahihi donte nek nañ ci sunan yi ah sunan an-nasa'i ak ibn majah surtout ak sunu imam ahmad rahmatullahi ak yeneen yi tere mais hadith yi ñi ngi ci ñaari sahihi moy hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu anhu hadithu jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhu hadithu salamata ibn al-aqwa radiyallahu anhu hadith sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu voilà ak hadith sayyidina anas gis nga min malik radiyallahu anhu voilà donc ñom ñep pourtant subhana rabbi ak hadith abdullah ibn abi awfa ak al-barra ibn azib radiyallahu anhu ajma'in nga abdullah ibn abi awfa ak al-barra ibn azib radiyallahu anhu ajma'in ñom ñep seen hadith ci buntu bi ñi ngi ci sahih ñaar sahih lu yéme la parce que le fait que hadith yoy yep parce que souvent dafa mel ñu koy do gis sax ñu ngi do gis hadith bo xamantene même yenen sahaba yi ko solo seen hadith yi ñi ngi ci sahih en même temps ñom ñep nek muttafaquna alayhi voilà manam hadith bi hadith bu siwla bo xamantene sahaba yu bari dañ ko solo han ñu solo ko ñeneen ñoon tam solo ko ci yeneen han mbolo bu bari ñeneen solo ko ci mbolo bu bari ba ci yeneen sallallahu alayhi wasallam wala wala kon legi kon ñu wala lool mom moy taxrij bi jeex wa kon ci la mo tax imam Sayyidina Anas voilà radiyallahu anhu voilà lolo amna ay tontu yu ci meuna yow tontu bu ndeuk bi mom moy comme hadith Sayyidina Anas radiyallahu anhu la ndeuk indi ci kaw legui mu baña changer kiko solo mu indi hadith bi benen bi ci dess mom moy hadith Sayyidina Anas bi radiyallahu anhu mo geuna mat parce que mom mo am lambo ba fa innahu rijsun lan lay xex okay nda argay ala nda argay voilà mais il y a que Anas ibn Malik qui parce que quand on a dit les six là qui ont oui apporté le hadith ils étaient pas tous physiquement là de quoi là, le jour même oui. si ah, ils étaient tous là-bas mais voilà, ils ont tous rapporté la hadith et que leur disciple l'ont rapporté d'eux. Indépendamment, voilà, de Sayyidina Anas radiyallahu anhu. Voilà. Deng. Kon. Ben kontu bi moy def nek tuddu. Voilà, exactement. Mais amna benen mom moy bi mo gëna mat. Parce que yenen yi ci dess dina am détail yu muy bayyi ci hadith bi. Mais bi mom dafa matale ba paré dafa wax li nga xamantene mom la Imam Al-Hafiz rahmatullah alayhi soxna ci indi hadith bi mom mo lan. Moy soxla gi mu soxla wanen caractère sobe gi. Le fait que mu nek sobe fa inna harijsun nek ndax mom sobe la lol mom motax mu am ci benen riwaya fa innaha rijsun aw najis ci hadith sayyidina anas batay radiyallahu anhu mom day sobe la wala go rijsun kon gis nga rijs day teki rijs manam day teki manam lu salté day teki lu salté lu tilim voilà lu tak motax mu ne rijsun aw najis lol nak rawi mom mo manam chak la sakala ci rawi amna ci benen riwaya bu ngi tek moy bu nek sax imam muslim min amali shaytan ci def shaytan la bok deug min amali shaytan ci def shaytan la bok legui biñu wacce khaybar ñom dañu ñew ci all bi ñu am manam ay mbab yuñu ñu japp ñu rend leen biñ len rembé ñu commencé len togg légui lool mom motax muna jaa jaa'im muna lamma kana khayr muna jaa jaa'im ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ci amna ci benen riwaya muna jaa muna jaa rajulun amna benn way bu ñew ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ci yent bi sallallahu alayhi wasallam en fait ni mu démé moy inshallah après dinañ wax ci Abu Talha radhiyallahu anhu mais ñu wax d'abord ñu wax d'abord ci ki dik manam ci dik mu ne kon amna ku ñew ci yenen tib sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam yow yenen tib sallallahu alayhi wasallam ukilatul humur lek nañu bax mi de hein voilà deng mu ne yenen tib sallallahu alayhi wasallam waxu darax manam bax mi dal lek nañu mu ne fa jaa akhar mu am kenen ku ñew mu ne fa qala ya rasulullah ufniyatul humur mbami de jeexal nañ leen manam mbami dal fim tollu lek nañ leen bu dal fim tollu jeex nañ ñi ngi jeex manam amatuñu mbami manam duñu amati mbami yu ñu war yeen bi sallallahu alaihi wasallam nak dadi wo Abu Talha deug nga wo Abu Talha radiyallahu anhu neena sayna Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu dadi woti nada wa mu dadi wote nekat inna allaha wa rasuluhu yanhayanukum an humur al ahliya fa innaha rijsun aw najsun ci benen riwaya mun fa innaha rijsun min amal ash shaytan ne yalla ak yanta bi sallallahu alayhi wasallam kat dañ len di tere ya mbam suf amna ci benen riwaya al humur al insiya ñom ñaan ñep nak imam al bukhari ak imam muslim rahimahum ñing koy solo ci ci zabaih mo babu ci zabaih mo yi ñi rendé ci imam bukhari babu luhumul humuril insiya ala hein parce que imam muslim mo buntu imam an-nawawi mo buntu mo def buntu ci ki mais voilà manam buntu mais mom tamit non la ko tuddé buntu bob manam buntu manam man babu hurmatul luhumil humuril insiya parce que ci benen riwaya ci hadith bi dafa am al humurul insiya moy mbam insiya xam nga mom mam dañ koy wax khimarul insi ni wax khimar al wahshi ñaar lañ mom khimar al insi moy mbam bi nga xamantene mom moy le domestique voilà mota al ahliya gis nga ahlul mo tek ci keur famille ça veut dire donc domestique ins gis nga man insiya da fay référence à l'homme ci nit ki voilà moy né nit ñi dañuy day nek ñu parce que amna benen moy mbam allo moy la mo wala mum dafa cheval ki dafa sauvage bok voilà donc mbam bobu téré wuñ ko du bobu la téré mune nak lan mune fa innaha mom mbam bi de ritun sobela ci benen riwaya mu tek ci ne man ritun wala bok salté la tilim la manam bi teki aw najis manam bi teki sobela deng bi teki sobela après mu tek ci min amal ash shaytan ci jëf shaytané la bok ci buñ ko xolé ci côté bobu nak manam ci kon comme ñi ngi ci tahrij bi bon manam c'est à dire en même ça dit que ñu on est à mi chemin entre l'explication de la manam pour expliquer circonstances mais manam day duggal ci bir manam wala pour ñu xol rapport bi mu am kon ak hadith bi ko jitu da nga gis hadith bi ko jitu dafa wax ci sangara alquran daf ne rijsul min amali shaytani deng alquran lan la wax ci sangara da ne rijsul sobe la min amali shaytani ci jëf shaytani la bok dal ni fatte bu hu neen ko moy tande wala dirga deng kon wala ci jëf shaytani la bok sobe la kon ala kulli hal wax ji nak dinañ développer inshallah bu ñexé ci sharh baati dinañ développer ak surtout ci hadith yi ci fiqh bi ci masail fiqh yi masal fiqh inshallah lan mom moy cause bi nga xamantene mom motax ñu téré mbam bi parce que manam bo xolé sababu wurudul hadith manam sabab bi tax hadith bi yenen bi sallalahu alayhi wasallam wax ko manam wala dañuy gis ne mbir bi dafa am yo xamne yu ci xawaleent wala ba ci sahaba yi seen bir bop radiyallahu anhu jumo wuñu manam anduñu ci lan motax mbam ci bopam ñu téré ko mbam ci bopam ñu téré ko est-ce que mais lolou dinañ ci ñew inshallah ngir léral ko ci wal hadith yi ndax est-ce que c'est parce que bulletin de guerre la bo xamne lu kenn seen de legu ko parce que voilà bo tax imam al bukhari rahmatullah alayhi am ci ben buntu bo xamne ci ko ta bop fof la ko duggal manam bulletin de guerre biñu seen de lewul ni mu grawé nit ki lek ko voilà est-ce que lolu motax wala han moy al khumus fof la dugg wala bulletin de wala bok du tahmis bi motax manam mais ki bi motax le fait que manam buñ len lekke bañ jeex do ñu amati lu ñu war comme ni ibn abbas dan wax radiyallahu et cetera mais cela wala bok sobe la motax manam ban cause mo motax ñu téré ko et cetera inshallah dina ñew ci téré gog ci yoy non ak ci walu bax la hein ak ci fas hein te dina ñu leral tamit le fait que bax la mom dagal na bax la dagal na moma mbam sauf non non bax la dafa haram bok bam haram mom ak mbam sauf waye fas mom dagal na voilà voilà ñom ni ak tekante li ci aju ak leral yi ci aju hein inshallah ci buñu yexé ci buñu sa xawé hadith ba pare inshallah dañ ko dañ leral yoy yep inshallah légi kon liñu wara défé inshallah pour ñu ki ko mom moy baati ben par ben hadith ben par ben baati et puis surtout après baati ñu dugg ci tarjuma ci bir baati dinañ ci waxale tarjuma manam moy biographie Abu Talha ndax Seyna Anas radiyallahu ta'ala nu mom wax nañ ay mbirum ba pare wa wax nañ ko waxati ko hein on peut faire une carte d'avant. Oui, inshallah, on fera. Voilà, inshallah. Demain, des rappels, inshallah. Mais Abu Talha, radiyallahu anhu, mom lañ waxul ay mbirum bo ba légui ñing koy wax nan bay taxu kan la Seyna Anas radiyallahu anhu mëna mo takkon yaayam Ummu Sulaym radiyallahu anha mais waxuñu ci mom ak ay jaloorem ak mom moy kan deug ak et cetera ak nga xamantene mom moy ngeenel yi nga xamantene mom la amone ci diine ji ak njambarem ak tam ci walu yent bi sallalahu alayhi wasallam mais lolu xamna jotay bi di ñew inshallah ci lañ koy développer dinañu leral li nga xamantene mom mo ci aju ci walu gog yeb inshallah taala kon ñu yam fofu ba jotay bi di ñew han wallahu taala a'lam su fekke amul ay question ñu ñiki الله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين